franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, la loi Veil, un combat pour la liberté. Émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Laurence Courtois. Je déclare avoir avorté. C'était le 5 avril 1971, il y a 45 ans. Le Nouvel Observateur publiait un appel signé par 343 femmes en faveur de l'avortement libre. On l'a appelé le manifeste des 343 salopes. Cet acte de rébellion, rédigé par Simone de Beauvoir, allait changer la société française. En octobre et novembre 1972 a lieu le procès de Bobigny. Marie-Claire, une jeune fille de 17 ans, est accusée d'avoir avorté. Sur le banc des accusés, il y a aussi sa mère et deux autres femmes poursuivies pour complicité. Défendue par Gisèle Halimi, Marie-Claire sera finalement relaxée dans ce procès très médiatisé. 3 ans plus tard, le 17 janvier 1975, la loi Veil donne raison aux signataires et à toutes celles qui ont lutté, souffert et ont été condamnées. Simone Veil, c'est aussi la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, quand en 1974, elle accepte le portefeuille de la santé dans le gouvernement de Jacques Chirac. Mais ce poste de ministre proposé par le président Valéry Giscard d'Estaing a une raison précise. Simone Veil doit réussir une mission à la mesure de la personnalité hors du commun qui est la sienne, réformer la législation sur l'avortement. Ce mardi 26 novembre 1974, la femme qui monte à la tribune du Palais Bourbon n'est pas encore connue du grand public. Faut dire que dans ce temple du pouvoir masculin, 9 femmes seulement sur 490 députés, Simone Veil s'apprête à défendre son projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Elle sait que ce sera difficile, mais elle ne s'attend pas aux attaques brutales et inadmissibles qu'elle va subir. En quelques 25 heures d'un débat dans lequel interviennent 74 orateurs, elle entend tout, mais vraiment tout, à 2 reprises. Le son venu d'un magnétophone tendu par les députés qui fait entendre les battements du cœur d'un fœtus, et puis des mots, beaucoup de mots, d'une violence terrible. Il est question d'avortoir, d'abattoir, de permis légal de tuer, et encore de tyrannie du bon plaisir, de meurtre, de dégénérescence. Un député évoque même le choix d'un génocide. Un autre ira jusqu'à parler d'embryons jetés au four crématoire. Simone Veil reste stoïque, courageuse et précise. Elle défend et explique encore et toujours son projet. Je la cite. « J'ai une conscience et je parle selon ma conscience. » Et elle ajoute « Dire non n'est pas toujours la solution du courage. Le courage, parfois, consiste à ouvrir les yeux. » Dans le journal Le Monde du 29 novembre 1974, André Fontaine salue le courage et la droiture de Simone Veil. La fiction aujourd'hui va donc nous amener au plus près de ce combat qu'elle a mené et dont elle arrachera la victoire à l'Assemblée. Puis, nous retrouverons notre invitée, Sarah Briand, journaliste à France 2. Elle est l'auteur d'une biographie remarquée sur Simone Veil intitulée « Simone, éternelle rebelle » aux éditions Fayard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La loi Veil, un combat pour la liberté, de Renaud Meyer. Théorique et abstraite, mais la situation concrète et douloureuse et dramatique des 300 000 femmes qui chaque année sont concernées par l'avortement. Tu es resté de marbre. Un sphinx. Je ne sais pas comment tu fais. C'est une question de nature. Tu peux parler maintenant, nous sommes seuls. Vas-y, je t'écoute. Tu veux savoir qui était au bout du fil? Un homme politique. Eh bien, tu vois, tu sais déjà tout. L'intuition. Tu devines ce genre de choses beaucoup mieux que moi. C'était le Premier ministre? Dans le mille. À croire que c'est toi qui tires dans l'ombre les ficelles du pouvoir. Je suis toujours étonnée que l'on fasse appel à moi. Chirac, t'appeler, toi, et pendant un dîner chez des amis. J'ai laissé leur numéro à la maison, si quelqu'un voulait nous joindre. Tu pressentais quelque chose. Quand un magazine comme Marie-Claire s'amuse à publier un article sur un hypothétique gouvernement de femmes, et qu'il me propulse Premier ministre, moi, une inconnue du grand public sans expérience ni mandat, eh bien, tu me permettras de pressentir quelque chose, comme pas mal de Français d'ailleurs. Politique fiction. Certes, mais l'homme que j'ai eu au téléphone durant ce dîner était bien Jacques Chirac, pas un imitateur. Il te donne la justice? Non. Quoi? Regarde devant toi quand tu conduis. Mais enfin, c'est stupide. Tu as fait toute ta carrière à la chancellerie. Tu connais ça par cœur. Personne mieux que toi n'est capable de porter le dossier de l'administration pénitentiaire. Tous ces week-ends à te suivre aux quatre coins de la France pour que tu puisses te faire une idée exacte de telle ou telle prison, son état, son financement, sa population. 6 heures à remuer ciel et terre pour améliorer le sort des détenus de France et de Navarre. Et il nomme garde des Sceaux quelqu'un d'autre. Tu devrais être heureux. Tu ne cessais de me dire que les prisons, ça commençait à bien faire. Antoine, la justice et son ministère, c'est un cadeau empoisonné. Tu peux être certain qu'à la moindre affaire un peu brûlante, c'est vers toi qu'on se tourne. Si tu préfères accepter un secrétariat d'État. Il me propose un ministère, la santé. Mais ne le prends pas mal, tu n'y connais rien. Enfin, je veux dire, les dossiers... Totalement néophyte. Ben, c'est ça, tu n'es pas une spécialiste. Il est certain que si je dis oui, on me renverra très vite dans mes foyers pour incompétence. Tu n'as pas dit oui? J'ai la nuit pour réfléchir. Chirac, il a été très chaleureux. Qui lui a soufflé ton nom, Garot? Je pense que Marie-France n'est pas étrangère à la chose. Toi, dans un gouvernement de droite. À la maison, papa était de droite et maman socialiste. Elle lisait la presse de gauche en cachette de papa. Ma tante avait même des inclinations communistes. Il ne faut pas être sectaire et borné. Il faut porter les idées auxquelles on croit, c'est tout. J'ai souvent voté socialiste... J'ai soutenu Chaban, et aujourd'hui, je réfléchis à la proposition d'un gaulliste. C'est dommage pour Chaban. Ça m'aurait plu de le suivre dans son projet de modernité. Mais tu l'as, ta modernité. Une femme, ministre de la Santé. La seule femme ministre. Apparemment, les autres sont secrétaires d'État. Ah, ça doit y aller au dîner depuis que nous sommes partis. Tous brûlés de te poser la question. Alors, on vous a proposé un poste dans le gouvernement Chirac. Ils auront la réponse demain. Oh, Chirac aussi devra patienter jusqu'à demain, Madame le ministre. Cela signifie que tu es d'accord? J'en serais très fier. Je préfère te demander parce que quand tu as réussi l'ENA et que j'ai voulu enfin entrer dans la vie active, ne plus m'occuper uniquement des enfants, tu as fait la grimace. Je ne t'ai pas empêché d'entrer dans la magistrature. Mais tu n'as pas voulu que j'embrasse le barreau. Une femme avocate, ta femme. Défendant des criminels de droit commun. J'aime l'idée d'une justice affranchie des relations pécuniaires. Je peux donc accepter cette fonction ministérielle en toute sérénité familiale. Simone Veil est une femme libre et indépendante, une haute fonctionnaire brillante. Elle n'est ni maire, ni députée, et n'est affiliée à aucune formation politique. Et c'est certainement pour cette raison que le nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, l'a choisi ce jour de mai 1974. Avec Françoise Giroud à la condition féminine, Simone Veil va incarner le changement et la modernité de ce septennat. Madame le ministre, je désirais m'entretenir avec vous de l'une de mes promesses de campagne. Bien, monsieur le président. Les Français attendent des réformes et ils espèrent le changement. Je me suis engagé devant eux à faire entrer des femmes au gouvernement. C'est chose faite. Le nouveau visage de la France doit être également celui de la jeunesse. L'abaissement de la majorité civile à 18 ans sera effectif dès le mois prochain. Je tiens enfin à débuter mon mandat par le vote de 2 grandes lois qui seront le symbole des mutations de notre société. La dépénalisation de l'adultère et l'interruption volontaire de grossesse. Vous comptez sur moi, monsieur le président, pour participer à ces réformes? Je compte sur vous pour mener l'une d'elles, l'interruption volontaire de grossesse. Mais cela ne relève-t-il pas des compétences du garde des Sceaux ? Le garde des Sceaux ne fera rien. La famille politique de Jean Le Canuet est trop hostile à l'idée d'une légalisation de l'avortement. Vous ne pensez pas pouvoir convaincre des chrétiens de la nécessité d'un changement législatif dans ce domaine ? Pas ces chrétiens-là. La loi ne verrait jamais le jour, le ministre suivrait la volonté présidentielle, mais l'homme politique ne se battrait pas pour imposer la réforme. J'ai besoin de quelqu'un de neutre politiquement, d'une personnalité libre et déterminée, consciente des enjeux. Cette loi doit voir le jour à l'automne. Le délai n'est-il pas un peu court pour une réforme qui va bouleverser la vie de millions de femmes et certainement la société tout entière ? Je vais devoir consulter de nombreux partenaires dans les deux camps, toutes les autorités religieuses, rencontrer des femmes, des médecins... Vous êtes magistrat, vous êtes habitué à ce genre de dossier. On m'a dit que sur la question des prisons, vous étiez incollable et très tenace, y compris avec l'opinion. Sans vouloir vous décevoir, Monsieur le Président, dans le cas des prisons, ma volonté d'alerter l'opinion sur la situation déplorable des détenus s'est retournée contre moi. Les Français ont trouvé que les conditions de détention étaient bien trop favorables aux délinquants et que la République ferait mieux de s'occuper des honnêtes gens. Soyez sans crainte. Vous allez gérer cette réforme avec excellence, Madame le Ministre. Il faut aller vite. On ne peut pas supporter que des cars et des trains partent vers l'étranger pour que des femmes avortent. Vous trouverez même des pharmacies qui se font le relais de ces voyages organisés. Je suis bien d'accord, Monsieur le Président. La situation est devenue intenable. L'autorité de l'État et l'ordre public sont bafoués. Je veux mettre un terme à cela. Cette loi de 1920 punissant l'avortement est totalement obsolète. Mais ne risque-t-on pas de se heurter au Parlement ? Vous n'avez pas dissous l'Assemblée, et ce sont les mêmes parlementaires qui ont rejeté l'an passé le projet de loi sur l'avortement présenté par le garde des Sceaux et vont se retrouver face à nous. Le président Pompidou était hostile à cette réforme. Il ne l'a pas soutenue. La bataille parlementaire s'annonce difficile, Monsieur le Président. Les députés sont divisés sur la question, certains très hostiles à un changement. Et même si nous parvenons à les convaincre, il restera le Sénat. J'en crains les visions conservatrices. Cela n'a pas d'importance. Nous ferons venir la loi en seconde lecture à l'Assemblée nationale pour une adoption définitive. Oubliez l'aspect législatif du problème et placez-vous sur le terrain de la santé publique. Vous êtes une femme, vous êtes ministre de la Santé et vous avez une partie de l'opinion avec vous et mon soutien. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, je ne suis pas certaine du soutien de Monsieur le Premier ministre concernant un tel projet de loi. Je crois savoir que pour lui, pardonnez-moi l'expression, c'est une affaire de bonnes femmes qui peuvent continuer à se débrouiller toutes seules. Il changera d'avis et sera d'une fidélité exemplaire comme tous les gaullistes. Je m'y engage. Durant l'été 1974, Simone Veil se lance dans la préparation du projet de légalisation de l'IVG qui va la propulser sur le devant de la scène politique et faire d'elle une icône de la lutte pour l'émancipation des femmes, amorcée quelques années auparavant avec la loi Neuwirth autorisant la contraception. Elle enchaîne réunions et consultations, prenant l'avis des militants pro-avortement comme de ses opposants, de femmes qui se sont fait avorter, de médecins et des autorités religieuses de toute confession. Le texte ne devant laisser aucune faille. Le discours. Je veux revoir le discours. Nous l'avons revu hier, Madame le Ministre. Je passe devant le Parlement dans 6 jours, Dominique. 6 jours, c'est court. Et il faudra les convaincre très vite. Ce discours, c'est la base du débat. Si j'arrive à frapper fort dès le début, j'aurai remporté la première manche. Il faut marquer les esprits. Chaque phrase doit être un petit soldat qui gagne du terrain dans la tête des parlementaires. Chaque argument doit remporter une voix. Alors, je ne veux rien laisser au hasard. Reprenons depuis le début. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une modification profonde de la législation sur l'avortement... Le préambule avec ces questions, c'est formidable. Mmh. C'est fort. Mmh. Il ne faut rien toucher. Pourquoi cette loi ? Finalement, on pourrait s'en passer ? Eh bien non. Vous savez pourquoi, messieurs? Et là, c'est une femme qui vient parler des femmes à 500 bonhommes. Et vous allez... Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter une ou deux questions dans ce paragraphe? Là, sur la nécessité de légiférer. Pourquoi cette loi est-elle nécessaire? On pourrait ajouter... Pourquoi consacrer la pratique de l'avortement et donc risquer de l'encourager, histoire de devancer leur point de vue? Et ensuite, vous donnez votre réponse. Parce qu'on ne peut plus empêcher les avortements clandestins et qu'on ne peut appliquer la loi pénale à toutes ces femmes. Oui, entendu. Notez. Ici, là, la forme vous semble correcte? La situation actuelle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Oui, c'est très bien. Ridiculiser, ça n'est pas trop prosaïque. Au contraire, l'image est puissante. La loi, ridiculisée. Derrière la loi, il y a les élus du peuple. Dire qu'elle est ridiculisée, c'est les titiller, les contraindre à réagir, si telle était votre visée. Vous êtes perspicace, mon cher Dominique. Il faut que l'édifice soit indestructible, inattaquable. Là, le triple objectif de la loi, ça vous paraît bon? Une loi applicable, dissuasive, protectrice. Vous auriez commencé par le côté protecteur de la loi? Je ne sais pas. N'est-ce pas trop juridique? Le président veut placer le débat sur le terrain de la santé publique. C'est notre seule chance. Nous n'échapperons pas aux questions purement techniques de mise en application. C'est sur ces modalités que les élus vont essayer de déconstruire le projet avec des amendements. Je ne reculerai pas sur l'essentiel. Le choix de l'IVG par les femmes concernées, sans commission préalable, et la place du père. Que ce soit une décision commune. Ça n'est pas une histoire de bonne femme, contrairement à ce que pense le Premier ministre. Quand je vois votre implication, Dominique, je ne pense pas que ce soit le cas. Je me trompe? Ce n'est pas davantage une histoire de bonne femme que ne l'est la contraception, Simone. J'aime bien quand vous m'appelez Simone, monsieur le directeur de cabinet. Je suis certaine que vous quittez la langue de bois pour le parler vrai. J'ai l'assurance que c'est vous qui parlez, pas moi. Cette loi, nous allons leur imposer. Ils n'auront pas le choix. Même s'il faut y laisser des plumes. Vous êtes sérieux, Dominique? Parfois, j'ai l'impression que votre vie en dépend. Parce que je vous jure que je serais prête à y laisser ma peau s'il le fallait. Ces gens ne me font pas peur. Leur conviction vacille avec le vent qui tourne. Aujourd'hui contre l'IVG, demain ardent défenseur. Il n'y a que leur carrière qui compte. Les idées, ça vient ensuite. Alors la liberté des femmes, ils s'en foutent totalement. Ils s'en foutent. Vous pouvez dire, ils s'en foutent, vous. Eh oui. Bon, votre comparaison avec la contraception, c'est cela qu'il faut ajouter. Le passage sur le non-remboursement par la Sécurité sociale, ici, marquer la différence entre la contraception qui, lorsque les femmes ne désirent pas d'enfants, doit être encouragée par tous les moyens et remboursée. Notez, Dominique, notez. Encouragée et remboursée. Et l'avortement que la société tolère mais qu'elle ne saurait prendre en charge. Ni encouragée. Bien, revenons au début. Simone Veil tient là le combat de sa vie. La loi qui va transformer le quotidien de millions de femmes. Le changement sociétal le plus marquant de la décennie. Alors, l'énergie est au rendez-vous. Le projet de loi mis au point est présenté en discussion à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. La ministre de la Santé va se lancer dans un combat éprouvant. Elle sait que les tensions seront vives dans l'hémicycle et au dehors. Les mouvements d'opposition sont féroces. Rien ne lui est épargné. D'autant qu'en raison d'une grève à l'ORTF, les débats sont exceptionnellement retransmis à la télévision plutôt qu'à la radio. Comment te sens-tu après cette première journée de débat? Ils auront ma peau. Mon Dieu, Antoine, quelle épreuve! Je suis détruite. Jamais de la vie. Ma femme est indestructible. Tu étais impressionnante d'autorité et de charisme durant ton discours. Tu voulais marquer les esprits, je pense que c'est chose faite. C'est mon esprit qui a été marqué. Et pour longtemps. Comme si je n'avais pas assez souffert. Les mots, Antoine, les mots. Ces gens-là ont-ils conscience de la portée des mots qu'ils profèrent? Oui, j'ai entendu. La violence de leurs insultes dans l'hémicycle, des représentants du peuple me dire ça à moi. Comparer ma loi à une loi digne du Troisième Reich. De la barbarie organisée comme le fut le nazisme. J'ai bien entendu. Hein, j'ai pas rêvé. Non, tu n'as pas rêvé. Comparer les embryons humains soumis à une IVG à des embryons jetés au four crématoire. Un député osait cela. Le Troisième Reich, les nazis, les fours crématoires. Oh, reste calme. Je trouve cela d'une bassesse, d'une indécence. Leur rire, leur sifflet, jusqu'à cet enregistrement du cœur d'un fœtus. Vous entendez, Madame le Ministre, ce cœur de quelques semaines ? C'est abject. Ils se laissent emporter par l'effervescence de la polémique. C'est totalement stupide et inconscient, mais ils jouent le jeu du débat parlementaire. Et puis, tout le monde ne sait pas ce que tu as enduré, Simone. Mais bien sûr qu'ils le savent, sans exception. C'est là, inscrit sur ma peau, gravé dans mon corps. À la libération, durant les mois qui ont suivi, je dormais par terre, sur le sol. Impossible de dormir dans un lit. La rudesse s'imposait à moi. Elle me poursuivait. On n'oublie rien, Antoine, rien. Je sais. Tu vois, m'être exposé comme cela, devant l'Assemblée, les élus du peuple, devant les Français à la télévision, pour une loi aussi sensible, essentielle, pour donner aux femmes la liberté, et subir ce genre d'attaque profondément injuste. Tu défends une grande cause. Il est normal que l'épreuve soit immense. Ils savent que leurs propos m'atteignent et tuent une partie de moi. Leurs arguments ne tiennent pas, alors ils mordent. Ils espèrent que je ferai comme après la guerre, quand j'étais invitée quelque part et que je me cachais derrière un rideau pour ne parler à personne. Tu n'iras pas derrière le rideau cette fois. Je sais que tu ne lâcheras pas. Les gens parfois sont ignobles. La bête immonde n'a pas disparu. Tu as vu les croix gammées dessinées sur les murs devant la maison ? J'en suis aussi peiné que toi. Mais je suis la cible, Antoine. Je suis ton époux, Simone. C'est moi aussi qu'il vise. Je ne te l'ai pas dit, mais il y a 3 jours, une dame dans la rue, plutôt bien mise, m'a insultée, avec un tel regard de détestation. Et toutes ces lettres terribles que j'ai reçues, des milliers, avec toujours derrière leurs attaques la haine antisémite. Il ne faut pas lire ces lettres. Laisse tes collaborateurs en prendre connaissance et les déchirer. Au contraire, il faut les garder, les archiver. Qu'elles soient la preuve d'une société qui n'arrive pas à se défaire d'une extrême droite catholique et venimeuse. Il faut que les gens sachent, leur prouver que tout cela n'est pas une invention paranoïaque. Nous devrions conserver précieusement ce courrier. Tout cela me donne froid dans le dos. Tu as peur ? La mort rôde autour de moi depuis l'enfance. J'ai toujours avancé, quoi qu'il arrive. Mais là, je n'ai plus la force, Antoine. Je vais abandonner. Cette bataille, c'est trop dur pour moi. Ils ont fini par m'avoir. Ne m'en veux pas, je me suis trompée sur ma capacité à endurer cette épreuve. Le président trouvera bien quelqu'un d'autre pour continuer le combat. Il ne faut pas abandonner. C'est le combat de ta vie. Tu sais où tu vas. Aujourd'hui, plus que jamais. Personne ne te fera reculer. J'ai confiance en toi. Tu arriveras au bout et cette loi verra le jour. Des médecins se font assassiner aux États-Unis pour avoir pratiqué des avortements. Pense à eux. Tu peux pas abandonner la lutte. Au cours de ces 3 jours de discussion devant l'Assemblée nationale, Simone Veil concentre toute la violence des opposants à ce changement de société. Jacques Chirac, gaulliste et premier ministre d'un président républicain indépendant, a toujours considéré cette réforme comme mineure. Mais il s'est conformé aux volontés de l'Élysée. Cependant, contre toute attente, il vole au secours de sa ministre de la Santé lors de la dernière nuit des débats parlementaires, mettant tout en œuvre pour convaincre les députés de droite de voter la loi sur l'IVG. Oh. Monsieur le Premier ministre, vous, à l'Assemblée à 7h de la nuit. Je me suis arraché à mes dossiers. Quelle heure est-il ? 2h. Ça va ? Ça se passe comment ? On m'a dit que vous étiez en difficulté, alors je suis venu vous soutenir. C'est très aimable, monsieur le Premier ministre. C'est naturel. Et puis, même si je n'ai pas toujours bien compris la nécessité fondamentale de ce texte, j'ai à cœur d'être à vos côtés, ma chère Simone. Enfin, madame le ministre. Bon, ça se présente comment ? Suspension de séance ? Oui, nous sommes en discussion sur un amendement. 2 heures, encore des amendements. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. On en a jusqu'à 5h du matin avant le vote du texte. C'est quoi cet amendement ? Il y a eu un oubli dans le texte initial. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons omis d'aborder la clause de conscience. Pour les médecins ? Oui, au cas où certains médecins ou établissements désireraient se prévaloir de cette clause pour refuser de pratiquer des IVG en raison de leurs convictions. Où est le problème ? Pour les hôpitaux publics, chaque médecin étant libre de sa décision, il n'y a aucune difficulté. En revanche, dans les institutions privées, c'est à la direction de prendre la décision. Ce qui veut dire que dans des régions où les établissements privés sont nombreux, on risque de manquer de moyens pour pratiquer des IVG. Tout à fait. Qu'est-ce que va faire la gauche sur cet amendement ? Ils veulent s'abstenir, je crois. Sinon, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Vous avez la gauche dans votre camp pour ce texte. C'est pas mal. Socialiste et communiste. Il faut achever de convaincre les nôtres maintenant. Le président tient à cette loi. C'est notre rôle que de la faire adopter. Je vais vous aider. Voilà, Debré. Venez avec moi. Mon cher Michel. Tiens, monsieur le Premier ministre, madame le ministre de la Santé a du renfort. Elle n'en a pas besoin. Elle peut compter sur vous pour défendre son texte, non ? Je resterai toujours fidèle à ma famille politique. Mais vous ne pourrez pas m'ôter de l'esprit que la vie humaine existe dès sa conception. La conception, mon cher Michel, la conception. Vous connaissez mes convictions religieuses, je suis fervent. Mais enfin, il faut bien faire avec la société qui nous entoure. On ne peut pas avancer avec un bandeau sur les yeux. Regardez votre camarade député Claudius Petit. Un bon catholique, un grand résistant, qui est contre l'IVG. Ça arrache ses convictions profondes. Il mettra tout en œuvre pour lutter contre l'avortement. Mais il va voter cette loi. Il l'a dit. Je comprends ses doutes et je comprends les vôtres. Mais si j'étais à votre place, je n'aurais aucune hésitation. Si vous essayez de convaincre l'homme politique, c'est inutile. Il est totalement convaincu de la nécessité de soutenir son camp. Mais cette loi dépasse les clivages partisans. C'est le sens de la vie qui est en jeu, pas la conception que l'on se fait de la société. Justement. Pensez à la vie de ces millions de femmes qui comptent sur votre sens de l'humanité, à ces femmes qui souffrent, à ces femmes humiliées. C'est notre responsabilité devant elles et devant l'histoire qui se joue aujourd'hui. C'est bien dit, madame la ministre. Vous ne trouvez pas, mon cher Michel ? Notre rôle n'est pas de suivre les élans de la société, mais de lui donner un cadre, de la guider sur le chemin de la sagesse. Je comprends ces femmes. Je mesure leur détresse. En êtes-vous sûr ? La séance va reprendre. Je vous laisse. Eh ben, c'est pas gagné. Il est rigide, l'animal. Bon, je reste avec vous. On va les avoir. La loi Veil sur l'IVG est votée dans la nuit du 29 novembre 1974 avec la totalité des voix de gauche et une courte majorité des voix de droite. 15 jours plus tard, elle est adoptée par le Sénat. Valérie Giscard d'Estaing remporte ainsi une victoire contre son propre camp. Et Simone Veil devient une icône auprès de millions de femmes, en se faisant le symbole de leur libération. Cependant, 40 ans plus tard, cette réforme fait encore débat, et la violence qu'elle suscite n'a pas faibli. Mais je voudrais ajouter que dire non, monsieur Fett, ce n'est pas toujours la solution du courage. Le courage, c'est parfois d'ouvrir les yeux. C'était La loi Veil, un combat pour la liberté, de Renaud Meyer. Avec dans le rôle de Simone Veil, Chloé Réjon, Antoine Veil, Pierre-Jean Pagès, Valérie Giscard d'Estaing, Laurent Claret, Jacques Chirac, Laurent Lederer, le directeur de cabinet, Fabien Orsier, Michel Debré, Michel Frolli, la narratrice, Aurélia Petit. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior et Yannick Magnien. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Laurence Courtois. Des Français. C'est vrai que vous avez été reconnu sur le plan de la popularité. Je vais vous dire, pour moi, ce qui est important, c'est que je crois qu'en définitive, pour les gens, et d'une certaine façon, personnellement, je le regrette beaucoup parce que je ne voudrais pas être le ministre de la contraception et de l'avortement. Ça m'ennuierait. Je pense que la santé, c'est vraiment tout autre chose. C'est vraiment la responsabilité générale de la santé des Français, non seulement de la santé, mais de l'action sociale. Mais pour les gens, c'est tout de même en définitive un peu là-dessus qu'ils me jugent. Et le pourcentage de popularité, en définitive, est la preuve qu'il y avait une majorité de Français qui étaient pour la modification de la loi. C'est, à mon sens, c'est ça qui est important, parce que à un moment, j'ai eu peur. Enfin, on m'a dit, vous cassez la France en deux, vous ne vous rendez pas compte, vous allez à contre-courant, les traditions, les mœurs, c'est effrayant ce qu'on fait, vous apportez un bouleversement, cette loi. Et c'est un peu la preuve que ça n'est pas exact et que tout au moins en tout cas les gens l'acceptent. Car je crois que si fondamentalement les gens étaient contre, ils me rejetteraient en même temps puisque on m'assimile un peu. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaire sensible à la fiction, aujourd'hui la loi Veil, un combat pour la liberté. Notre invité, Sarah Briand, journaliste, biographe de Simone Veil. Bonjour Sarah Vrian. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à France 2, vous travaillez pour les journaux du week-end présentés par Laurent Delahousse, vous êtes aussi réalisatrice de documentaires pour son émission Un jour un destin. Vous avez réalisé un documentaire sur Simone Veil, intitulé Simone Veil, l'instinct de vie. Puis après ce film, vous avez écrit comme une sorte de logique, une biographie intitulée celle-là, Simone éternelle rebelle aux éditions Fayard. Un documentaire, un livre, parce que quelquefois on ne peut pas tout dire dans un documentaire, on n'a pas le temps, vous voulez aller plus loin. Qu'est-ce qui vous attache tant à ce personnage, qui est à la fois un personnage et une femme? Et ça, bien sûr, ça a son importance. Alors, c'est une femme pour laquelle j'avais, dès le départ, c'est vrai, beaucoup d'admiration, comme beaucoup de Françaises et de Français, je pense. C'est une femme qui, aujourd'hui encore, on va en parler, est la personnalité préférée des Français. Et je voulais, justement, essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, derrière cette femme qui semblait assez dure, qui impose une certaine distance, comme on le voit sur des archives, et comme quand on l'écoute, justement, même sur des archives radiophoniques, qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça, et quelle avait été son histoire, d'aller un petit peu au-delà, et surtout de la faire raconter, de faire raconter son histoire par toutes les personnes qui avaient été témoins à un moment donné, soit de son parcours politique, de ses 3 jours à l'Assemblée nationale dont on va parler, comme son assistant parlementaire par exemple, qui était assis juste derrière elle et qui m'a raconté ses 3 jours de débat extrêmement violents, et puis tous ceux qui ont été témoins de sa vie plus personnelle, donc sa famille, ses enfants et ses petits-enfants par exemple. C'est une biographie écrite avec elle, auprès d'elle, ou une biographie à distance? C'est une biographie à distance parce qu'aujourd'hui Simone Veil ne s'exprime plus publiquement. C'est une femme de 88 ans qui s'est complètement retirée de la vie publique. Mais ce qui m'intéressait, c'était moins finalement, comme je le disais, son histoire, qu'elle me la raconte, puisqu'elle l'a beaucoup racontée, mais avoir un petit peu les coulisses de cette histoire-là et le regard que tous ceux qui l'ont côtoyée pouvaient m'apporter. Alors, quelle vie l'a conduite à cette droiture, comme disait André Fontaine, que je citais lors de la présentation de ce numéro d'Affaires Sensibles? Droiture, ça vous paraît le qualificatif le plus approprié pour elle, ou l'un des vrais qualificatifs? Oui, droiture, c'est effectivement un mot qui lui correspond bien. Je dirais même peut-être une carapace, parce que Simone Veil, c'est aussi une carapace qui impose une distance avec les personnes qui l'entourent. C'est vrai. C'est-à-dire que personne aujourd'hui, tous les gens qui la connaissent me disent que c'est une femme qu'on ne touche pas physiquement. C'est pas quelqu'un à qui on tape dans le dos. Il n'y a que Jacques Chirac, qui a été un animal politique qu'elle a combattu, mais qui était aussi un de ses plus grands amis, qui a le droit de lui mettre la main sur l'épaule et de l'appeler Poussinette. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que c'est une femme qui impose une distance légitime de par son vécu, de par ce qu'elle a traversé tout au long de la période de la déportation notamment, et puis qui s'est endurcie aussi au fil des années, et notamment lors de ce combat à l'Assemblée nationale qui a fait que toute sa vie politique, elle a dû quand même, tout au long de cette vie-là, affronter un certain nombre de personnes qui voulaient sa chute, qui ne la trouvaient pas légitime, ou en tout cas qui combattaient ses idées. Donc effectivement, elle a dû s'endurcir, et c'est quelque chose qu'elle a gardé encore aujourd'hui. Alors on rappelle, si tant est qu'il faille le rappeler, que Simone Veil est rescapée d'Auschwitz, où elle avait été internée avec une amie, Marceline Loridon-Ivens. Comment, au sortir de la guerre, Simone Veil arrive-t-elle en politique? Quel chemin elle emprunte et autour de quelles idées? Alors c'est vrai que lorsqu'elle revient des camps, lorsqu'elle revient d'Auschwitz, notamment quand elle retrouve effectivement Marceline ou d'autres amis de déportation, c'est une jeune fille de 17 ans qui revient avec sa sœur Milou, mais qui revient sans ses parents. C'est une jeune fille orpheline qui se retrouve hébergée par la famille de sa mère, et qui est à Paris toute seule, et qui se souvient de ce que sa mère finalement lui a répété tout au long de son enfance. Cette mère qu'elle a perdue à Bergen-Belsen, qui est morte à ses côtés dans le camp, et qui est l'un des plus grands drames de sa vie. Mais cette mère a été un modèle, et aujourd'hui encore c'est quelqu'un qui l'a guidée tout au long de son parcours politique. C'est elle qui lui a dit depuis toute petite de faire des études pour être indépendante financièrement, justement, de ne pas oublier de faire des études. Donc lorsqu'elle arrive à Paris, c'est la première chose qu'elle fait. Elle a eu son baccalauréat à Nice en pleine guerre, et elle décide de commencer des études de sciences politiques et de droit. Donc c'est l'une des rares jeunes filles, justement, à Sciences Po. C'est là qu'elle va rencontrer son mari Antoine, qui va être le plus grand amour de sa vie, une histoire d'amour de plus de 60 ans, qui va être aussi son plus proche conseiller. Et c'est quelqu'un qui va comme ça évoluer un petit peu dans les coulisses du pouvoir, tout d'abord grâce à son mari, parce que son mari a fait l'ENA, il a réussi l'ENA, donc elle est de toutes les soirées mondaines où elle croise Pompidou, où elle croise Jacques Chirac, et c'est assez amusant parce que Marie-France Garraud, par exemple, me racontait que lors de dîners mondains, lorsque on parle politique, Simone Veil est là à leur côté, et son mari Antoine lui dit quelquefois, attends, on parle politique Simone, c'est pas le moment, donc elle n'est pas du tout conviée à ces discussions-là. Mais elle est finalement un petit peu repérée, et c'est vrai qu'elle entre assez vite, puisqu'elle fait ses études de droit, je passe un petit peu les étapes étape, mais elle devient magistrate, elle arpente les prisons françaises, elle se fait remarquer par Pompidou, qui la nomme au conseil de la supérieure de la magistrature, et petit à petit, comme ça, elle est dans ses coulisses du pouvoir, mais sur un point de vue, effectivement, plus juridique. Et puis, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Dans les années 70, Marie-Claire remarque son travail et la nomme dans un gouvernement fictif, Premier ministre. Et il y a même un dîner où elle est conviée avec son mari Antoine et où l'assistant se moque un petit peu d'elle en disant « Bon, Simone, inconnue, qui devient Premier ministre d'un gouvernement fictif, pourquoi pas ?» Mais enfin, bon, c'est un petit peu ridicule. Mais voilà. Et puis, un jour, il y a ce fameux dîner après l'élection, effectivement, de Jacques Chirac comme Premier ministre, après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing comme président. Jacques Chirac est Premier ministre et c'est lui qui l'a côtoyé, qui la connaît bien, qui l'appelle et qui lui propose effectivement de la nommer au poste de ministre de la Santé. Et finalement, pour elle, elle prend ça comme un défi, comme elle l'avait fait pour les prisons, c'est-à-dire que lorsqu'elle est magistrate, elle veut améliorer la vie des prisons, elle va essayer de le faire. Elle va faire en sorte que les femmes, par exemple, aient accès à la culture. Elle va être la première, ça on le connaît un petit peu moins, à instaurer des bibliothèques dans les prisons pour que les femmes aient accès aux études. C'est encore aussi une décision de femmes. Et là, la légalisation de l'IVG, c'est aussi un défi pour elle, c'est-à-dire que c'est une bataille qu'elle peut peut-être remporter, parce que si Giscard lui confie ce rôle-là, on va sans doute y venir, mais lorsqu'elle est nommée ministre, c'est quand même avant tout pour cette loi-là, parce qu'il a cette ambition-là de faire passer cette loi. Et il pense à elle parce qu'il se dit que voilà, une femme qui est inconnue du grand public, qui a une image de mère de famille, un peu bourgeoise, mais qui en tout cas peut faire passer cette loi parce qu'elle n'est ni catholique, comme l'était le garde des Sceaux, qui avait une connotation peut-être un peu plus catholique, ni trop féministe, comme pouvait l'être Françoise Giroud, secrétaire d'État. Donc finalement, c'est la personne qui peut peut-être le mieux porter cette loi-là. D'autant plus que c'est une femme, alors ça paraît évident de dire ça, n'empêche qu'en 74, on l'a dit, hein, le nombre de députés femmes, c'est même pas 2% l'Assemblée nationale, on n'est pas encore à la parité, il a fallu qu'on impose un cadre qui s'appelle la parité, pour qu'enfin, c'est pas gagné, hein, mais pour qu'on aille dans le sens de ce que l'humanité est coupée en deux. Elle est femme, c'est une femme, et c'est audacieux de nommer une femme. Et c'est vrai que c'était une erreur politique majeure de nommer un homme pour cette loi-là. Mais enfin, c'est quand même c'est la modernité Giscard, ça. Ça, c'est la modernité Giscard, exactement. C'est vrai que pour lui, il voit tout à fait son intérêt. En nommant Simone Veil, il sait très bien qu'il a peut-être une chance de remporter cette loi, même si le combat va être extrêmement difficile. Et lorsqu'elle arrive à la tribune de l'Assemblée nationale, il ne faut pas oublier que c'est une femme qui est, comme je le disais, inconnue du grand public. Elle est ministre depuis quelques mois seulement. Elle s'est préparée, elle a écouté, elle a rencontré un certain nombre de personnes, des acteurs de cette loi. Mais lorsqu'elle monte à la tribune, elle se rend compte qu'elle est devant une assemblée presque entièrement composée d'hommes, comme vous venez de le dire. C'est une véritable arène avec des fauves politiques, comme le disent les journalistes de l'époque et ceux qui assistaient à ces débats-là. Donc ça va être assez difficile pour elle, mais elle va remporter ce défi. Et on va le voir dans 3 minutes, parce qu'on va se retrouver, bien sûr, dans 3 minutes. Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. She's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. Sarah Briand, donc, Simone Veil accepte le défi. Alors elle sait que ça va être difficile pour les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure, l'écrasante majorité d'hommes à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui la fait courir? Qu'est-ce qui la pousse à faire passer cette loi? C'est quoi sa motivation principale? Sa motivation, c'est d'essayer d'améliorer la vie des femmes. Parce qu'à l'époque, effectivement, il y a des dizaines de milliers de femmes qui meurent chaque année des conséquences de ces avortements clandestins faits par des faiseuses d'anges dans des arrière-cuisines. Et pour elles, voilà, c'est un combat avant tout de femmes, de mères de famille. Donc c'est vrai que c'est ce qui la motive, c'est d'améliorer la santé publique, la santé des femmes. Donc c'est ce qu'elle va essayer de faire. Mais c'est vrai que au fur et à mesure des heures de ces débats, elle va se heurter à des attaques au départ finalement contre cette loi, mais des attaques qui viennent de son propre camp. C'est ce qui est assez incroyable, c'est que les attaques les plus violentes viennent des députés de son propre camp. En même temps, elle est de droite, et on peut considérer qu'il y a une certaine logique à ce que les conservateurs soient plus violents c'est ce qu'ils lui disent, d'ailleurs, que les progressistes. Exactement, donc les attaques sont évidemment contre cette loi, mais au fil des heures, c'est vrai qu'on va voir ces attaques extrêmement violentes se déplacer et devenir des attaques beaucoup plus personnelles et des attaques qui vont finir par être complètement antisémites. Alors comment elle l'a vécu? Parce que vous dites qu'il y a une carapace, c'est-à-dire fait partie de ces gens, quand ils souffrent, ils ne l'expriment pas. Sauf qu'à un moment, elle craque à l'Assemblée, mais ça c'est tout à son honneur, puisque c'est humain. Mais comment elle en parle après? Alors elle, c'est vrai que quand on regarde les images d'archives de l'époque, on voit une femme qui écoute, qui encaisse, qui ne scie pas, qui ne baisse pas la tête, qui prend des notes. Et donc voilà, elle attend au fil des heures. Chaque soir, elle fait un petit compte-rendu à Valéry Giscard d'Estaing, et puis à un moment donné, Jacques Chirac pense qu'elle va craquer, donc il arrive comme ça un soir à l'Assemblée nationale pour essayer de la soutenir et surtout remonter les bretelles des députés de son propre camp pour leur dire que voilà, s'ils veulent que le projet de loi passe, il va falloir essayer de changer d'avis ou en tout cas d'apporter des votes positifs. Et c'est efficace au bout du compte. C'est efficace passe. Puisque la loi passe, exactement. Mais certains s'étranglent, mais ça passe. Jusqu'au dernier moment, elle a eu peur et elle a pensé que la loi ne passerait pas. Alors Jacques Chirac, au passage, pensait que l'avortement était une affaire de bonne femme, je le cite, comme si les femmes faisaient des gosses toutes seules. Enfin bon, ça c'était. Oui, voilà. c'est vrai que au départ, lui n'est pas du tout favorable à ce projet de loi. Et il le dit d'ailleurs, il l'a dit à Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est vrai qu'il a quand même soutenu Simone Veil pour qui il avait une vraie affection. Et il dira après, évidemment, qu'elle avait été exemplaire. Et il lui envoie même un bouquet de fleurs le dernier soir. Lorsque la loi est passée, elle trouve en rentrant chez elle un bouquet de fleurs de sa part. Bon, alors on imagine mal aujourd'hui, enfin cela dit, ça pourrait encore arriver, je ne sais pas, mais que des députés, des hommes tiennent sur un sujet comme celui-là, des propos comme ils ont tenus dans l'hémicycle en 1974, le rapport homme-femme est plus serein en politique ou encore emprunt, à votre avis, d'un machisme donc insupportable, s'il existe? Ce machisme, il existe, sans doute sous d'autres formes, mais il existe encore aujourd'hui. Et ce qui est assez incroyable aussi, et je pense que c'est pour ça que cette histoire-là et cette histoire de Simone Veil est assez exemplaire, et beaucoup de femmes la remercient encore. Tout au long de sa vie, les femmes l'ont remerciée pour ce qu'elle a fait. remercier et la remercie encore aujourd'hui, parce que finalement aussi cette légalisation de l'avortement, elle peut être remise en question à tout moment, c'est pas quelque chose de forcément acquis, et Simone Veil en porte aussi encore les conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au moment de ce projet de loi, quand la loi est passée, elle a reçu quantité d'insultes, il y a eu des croix gammées dans le hall de son immeuble, sur la voiture de son mari, elle a reçu des lettres d'insultes abominables, mais des lettres qui ont continué, qui ont perduré au fil des ans, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reparle de cette loi, il faut savoir que Simone Veil reçoit encore des lettres. Donc voilà, c'est quelque chose qui la poursuit. Elle ne souhaitait pas que la loi Veil porte son nom, elle ne souhaitait pas être forcément associée. Dans l'archive qu'on a passé tout à l'heure, elle dit, je ne veux pas rester la ministre de l'avortement. Exactement, exactement. Elle ne souhaitait pas que la loi porte son nom. Elle a essayé de faire en sorte que la loi ne porte pas son nom, mais évidemment ça n'a pas marché. Mais voilà, donc il faut savoir qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose que certains, qu'une partie de la France lui reproche. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les reproches qu'on a entendus de la part de la partie la plus conservatrice des Français, de leurs représentants politiques lors du débat pour le mariage pour tous? Est-ce qu'il y a encore dans ces grands faits de société, ces grandes réformes de société qui sont aussi arrimé quand même à des pensées religieuses, à des cultures religieuses. On pourrait faire un parallèle. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand il y a des grands sujets comme ça de société, on sent une France fracturée. Il y a toujours cette fracture finalement qui existe encore aujourd'hui. Et c'est vrai que, sans comparer les deux projets de loi, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que cette fracture des deux France qui s'affrontent, c'est finalement la même fracture qui existait en 74. Donc on se dit que ces deux France s'affrontent. Et voilà, la loi passe, c'est une avance ou pas pour la société, mais en tout cas, ça fait avancer le débat, ça fait débat, en tout cas, c'est vrai, c'est extrêmement violent. Oui, mais c'est la société politique, et ça c'est formidable. Quand à un moment, c'est la politique qui décide de la marche d'un pays, on est dans un système assez sain, hein, c'est ça. Exactement, et puis à chaque fois on voit que, et il y a évidemment les instances religieuses qui se mêlent aussi de ce débat-là, parce que c'était le cas en 74 lorsque la loi de Simone Veil est passée, le Vatican a pris position juste avant le débat à l'Assemblée nationale, et on voit qu'au moment effectivement du projet de loi sur le mariage pour tous, les instances religieuses s'en sont mêlées aussi. Donc c'est vrai que ça fait vraiment écho à 40 ans plus tôt. Voilà, et à un moment la République dit, voilà, il y a des lois, hein, elles sont votées démocratiquement, que le Vatican soit content ou pas, peu importe, et on les applique. C'est ça la société politique. Deux mots autour de Simone Veil. Vous la qualifieriez de féministe? À mon avis, non, mais... Non, je dirais pas féministe, parce que c'est un terme qu'elle rejetait, justement. Elle n'a jamais voulu être qualifiée de féministe. Par contre, d'une femme, voilà, qui a essayé de faire changer la vie des femmes, ça oui. Mais c'est vrai que le terme de féministe ne lui convient pas tout à fait, parce que, voilà, ce qu'elle a essayé de faire n'était pas féministe. C'est vrai que c'est quelque chose qu'elle rejetait vraiment. Elle l'a dit à l'époque, ses enfants me l'ont redit, et elle n'a jamais, tout au long de sa vie, même ensuite, fait des... Enfin, les actions qu'elle a menées, en tout cas, n'étaient pas du tout qualifiées de féministe. Autre mot, rebelle. Oui, alors ce mot rebelle, j'y tiens, oui, c'est un petit peu particulier. C'est vrai que ce sous-titre que j'ai donné au livre, Éternel rebelle, peut surprendre. Mais le caractère rebelle, elle l'a eu très tôt. C'est une jeune fille rebelle qui, dès petite, lorsqu'elle était à Nice avec ses parents, juste avant-guerre, s'est toujours opposée, par exemple, à ce que son père aille se déclarer juif à la préfecture de Nice, parce qu'elle sentait le danger arriver. Et puis ensuite, c'est une jeune fille rebelle au camp, notamment au camp d'Auschwitz, qui s'est opposée à une gardienne du camp, Stenia. Voilà, c'est une jeune femme qui s'est toujours rebellée, et puis plus tard, elle a toujours dit ce qu'elle pensait, elle n'a jamais transigé, elle n'a jamais appartenu à aucun parti, à part quand elle a évidemment, sous les couleurs de l'UDF, elle a mené cette bataille pour les élections européennes, mais elle n'a jamais voulu appartenir à un parti en particulier. C'est une femme aussi dont les thèmes et dont les combats sont étonnamment d'actualité, parce que son combat pour l'avortement, son combat pour la paix en Europe aussi, elle a beaucoup œuvré pour que justement tout ce qu'elle a vécu ne se reproduise pas. Grande européenne, hein. Grande européenne, son combat contre l'antisémitisme, tous ces thèmes-là sont aujourd'hui éminemment d'actualité. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sarah Briand, merci. Je rappelle votre livre, le titre de votre livre, Simone, éternelle rebelle, donc publié chez Fayard. Merci. Merci au revoir. À vous. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, la loi Veil, un combat pour la liberté, une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Laurence Courtois et Juliette Gou, émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui, Florent Layani.